السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فنتدارس اليوم حج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة الوداع. Nous allons étudier aujourd'hui inshallah ta'ala le pèlerinage du prophète صلى الله عليه وسلم, son seul pèlerinage en islam, son seul pèlerinage après la révélation. Et il est appelé, comme nous l'avons vu, Hajjatul Wada', le pèlerinage d'adieu. Durant ce pèlerinage, le prophète alayhi salatu wassalam a fait de nombreuses recommandations, et il a fait ses adieux aux musulmans, à ses compagnons radiyallahu anhum ajma'in. Et comme nous l'avons mentionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accompli le pèlerinage en l'an 9 de l'Hégire, mais il a plutôt envoyé Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu à la tête des musulmans. Et il a ordonné à ce qu'on annonce qu'à partir du prochain, yani à partir de ce moment-là, aucun associateur n'aura le droit de faire le tawaf nu autour de la Kaaba. Et il a mis fin également à des ententes et des règles établies entre le prophète alayhi salatu wassalam et al-muslimin et les musulmans. Le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu lieu en l'an 10. Il a eu lieu en l'an 10 de l'Hégire. Et lorsqu'il a fait son hajj, il est mort peu de temps après. Et durant ce pèlerinage, le jour de Arafah, Allah Azza wa Jal a complété sa législation en matière de halal et haram. En matière de halal et haram. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a vécu après le hajj que 2 mois et quelques semaines. Que 2 mois et quelques semaines, ou disons moins de 3 mois. Sallallahu alayhi wa sallam. Il était accompagné d'un grand nombre de compagnons. Ceci car il a informé les musulmans qu'il allait accomplir cette année le pèlerinage. Alors ils sont tous venus de toute contrée afin d'espérer avoir comme guide, comme imam, comme exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour accomplir le pèlerinage. Nous avions également mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait le hajj avant la révélation. Il avait déjà fait le hajj avant la révélation. Le pèlerinage a été rendu obligatoire par Allah subhanahu wa ta'ala en l'an 9 ou en l'an 10. En l'an 9 ou en l'an 10. Mais le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas parti faire le pèlerinage cette année, car il y avait encore des restes de la jahiliya. Il a donc envoyé Abu Bakr radiallahu anhu afin de mettre fin à ces mauvaises choses. Aussi, les Arabes avaient l'habitude de jouer avec les mois sacrés. Ils les avançaient, ils les reculaient, ils les retardaient selon leur envie. S'ils voulaient faire la guerre à un peuple, ils reculaient les mois sacrés, parce que durant les mois sacrés, ils n'avaient pas le droit de combattre, par exemple. Ainsi, les jours avaient été modifiés. Mais cette année en l'an 10, le temps est revenu comme Allah Azza wa Jal l'a créé. Comme Allah Azza wa Jal l'a créé le jour, il a créé les cieux et la terre. Ainsi, le jour de Arafah allait bien être le jour de Arafah. Le Yom al-Tarwiyah, le huitième jour, allait bien être le huitième jour, et ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc ordonné aux sahaba d'effectuer le pèlerinage, et il a encouragé les sahaba pour cela. Il y a le célèbre hadith de Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, qui est un long hadith rapporté par l'imam Muslim. Il nous dit radiallahu anhu: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. Le prophète عليه الصلاة والسلام est resté 9 années sans accomplir le pèlerinage. C'est-à-dire de la révélation, du début de la révélation jusqu'au moment où les versets ordonnant le pèlerinage ont été révélés, tout ce temps-là, il n'a pas accompli le pèlerinage. ثم أذن في الناس في العاشرة. Puis l'appel fut prononcé en l'an 10 de l'Égypte. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. On a informé, on a appelé les gens, on les a informés que le prophète عليه الصلاة والسلام cette année allait accomplir le pèlerinage. فقدم المدينة بشر كثير. Alors de nombreuses personnes se sont rendus à Médine, sont venus à Médine. Kulluhum yaltamisu an ya'tamma bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ya'mala bi mithli amalihi. Tous espéraient prendre pour guide, pour imam, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et agir conformément à ses actions. Fa kharajna ma'a. Nous sortîmes donc avec lui. Qu'est-ce qu'il parle ici? C'est Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu. Hatta ataina dhal hulayfa fawladat asma'u bint umays Muhammad ibn Abi Bakr. Nous arrivâmes alors, donc ils sont sortis de Médine pour aller à Mecca pour accomplir le hajj. Arrivé à dhul hulayfa, environ un quart d'heure de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, l'endroit du miqat des gens de Médine et ceux qui passent par là, fawaladat Asma. Asma a enfanté du fils de Abu Bakr qui se prénomme Muhammad. Fa arsalat ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kayfa asna. Elle envoya donc une personne questionner le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam du fait qu'elle a le sang des loshi. Qala ightasili واستثري بثوب وأحرمي. Il lui a dit: lave-toi et mets un tissu ou bien attache-toi bien, de sorte à ne pas, du fait qu'il a le sang des louches, avec un vêtement et mets-toi en état d'ihram. Entre en état d'ihram. Ainsi, la femme indisposée se met quand même en état d'ihram au miqat. Elle ne dépasse pas le miqat sans avoir cette intention-là. Fasalla Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fil masjid. Thumma rakiba al-qaswa. Hatta idha stawat bihi naqatuhu ala al-bayda. Nadartu ila maddi basari bayna yaday. Min rakibin wa mashin wa an yamini mithla dhalik. Wa an yasari mithla dhalik. ومن خلفي مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعلي ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء فعملنا به فأهل بالتوحيد. جابر بن عبد الله nous dit que le prophète عليه الصلاة والسلام a prié à la mosquée, puis il est monté sur Al-Qaswa, c'est sa chamelle. Puis lorsqu'il s'est tenu dessus sur Al-Bayda, en partant de Dhul Hulayfa, j'ai regardé en sa direction, je l'ai regardé à portée d'horizon. Devant moi, il y avait beaucoup de monde. Certains étaient sur leur monture, d'autres étaient à pied, et à sa droite il y avait la même chose, c'est-à-dire à portée de vue énormément de monde, et à sa gauche pareillement énormément de monde, et derrière lui pareillement énormément de monde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au milieu de nous, parmi nous on va dire, et la révélation du Coran lui était faite. Et il en connaissait son explication. Ce qu'il faisait, nous le faisions. فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ. C'est-à-dire sa formulation, sa talbiya était لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. La sharika lak. C'est cela que signifie ahalla bit tawhid. Il s'est mis en état d'ihram par la formulation du tawhid. C'est-à-dire que la talbiya qu'il prononçait était celle que vous venez d'entendre. Et ici, on voit que le terme at-tawhid est un mot qui est légiféré. C'est pas un mot sur lequel les savants istalahou se sont mis d'accord pour faire référence à une chose précise. Non. Mais il a une portée religieuse. C'est un terme qui est dans la religion. Ce mot-là est tawhid. Ainsi, tu comprends l'erreur, disons, de ceux qui disent que le mot est tawhid, il n'est pas venu dans les textes. Que le mot est tawhid n'est pas venu dans les textes. Ça, c'est dans Sahih Muslim, un des livres les plus authentiques après le Coran. Certains ont dit le plus authentique après le Coran et l'avis prépondérant est que c'est le deuxième livre le plus authentique après le Coran, après Sahih al-Jami' de l'imam al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail, rahmatullahi alayhim. وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْ وَلَزِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَلْبِيَتَهِ. Jabir ibn Abdillah nous dit ceci était la formulation du prophète alayhi salatu wassalam. Mais c'est comme s'il nous disait, mais il n'a pas imposé aux autres cela. Chacun pouvait dire ce qu'il voulait. Les compagnons ont repris la talbiya du prophète alayhi salatu wassalam, mais certains ajoutaient, le prophète sallam ne blâmait personne. Ils disaient tous que du bien. Jabir radiallahu anhu nous dit, lesna nanwi illa al-hajj wa lesna na'rifu al-umra. Tous, ou la plupart d'entre eux, il nous dit, nous avions tous l'intention de faire le hajj. Comme s'ils ne connaissaient pas être tamattu', le fait de faire la umra, de sortir de l'état d'ihram et de se remettre en état d'ihram le huitième jour, comme la plupart des gens le font. Mais il dit, notre seule intention était de se mettre en état d'ihram pour faire le hajj. Hatta idha atayna al-bayta ma'a. Jusqu'à atteindre la maison avec lui, c'est-à-dire la Kaaba. Istalama ar-rukna faramala thalathan wa masha arba'an thumma nafadha ila maqam mi Ibrahim alayhi salam faqara'a wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla wa ja'ala al-maqam baynahu wa bayna al-bayt. Jabir, donc avant de dépasser cela, arrivé au miqat, le prophète alayhi salatu wassalam s'est lavé. Il a enlevé ses nobles vêtements, il s'est lavé et Aïcha l'a parfumé. Aïcha l'a parfumé au corps à la barbe. Naam. Puis il a prononcé Mada, il s'est mis en état d'ihram. Ça a été rapporté. A également été rapporté que c'est lorsqu'il est monté sur sa monture qu'il s'est mis en état d'ihram. Et a été rapporté que lorsqu'il s'est déplacé et arriva à Al-Baïda, il s'est mis en état d'ihram. Chacun rapportait ce qu'il a vu. Donc en réalité, plusieurs fois, il a dit Labayk Allahumma Umra fi Hajj. Ou comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam. En chemin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons s'occupaient de dire la talbiya et ils élevaient la voix dans cela, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Jibril lui est venu et leur a ordonné d'élever la voix avec la talbiya. Il y a aussi le hadith que le meilleur hajj ou le meilleur rite est al-ajju wal-fajj, c'est-à-dire d'élever la voix par la talbiya et de sacrifier des bêtes Arrivé à Mecca, le prophète alayhi salatu wassalam s'est lavé. Donc celui qui arrive à Mecca, il est bon de se laver. Il a fait le wudu pour le tawaf. Et il n'a pas découvert son épaule, si ce n'est pour commencer le tawaf. Pas en avance à Médine, pas en avance dans le car, ni même en chemin. Arrive à Mecca, mais plutôt pour faire le tawaf. Tu découvres ton épaule droite, fais passer le vêtement sous les seins, Et ça s'appelle l'ittiba', c'est une sunna du prophète alayhi salatu wa salam, qui a pour base de montrer la force des croyants devant les associateurs qui prétendaient que les musulmans sont faibles ou bien qu'ils ont été affaiblis par la maladie à telle et telle période et suite à tel et tel événement. Le prophète sallam est venu donc devant la Kaaba, istalama ar-rukn, c'est-à-dire qu'il a touché la pierre noire. Il a touché la pierre noire, il l'a embrassée et il a dit Allahu Akbar. Donc la sunna, chaque fois que tu passes à la pierre noire, c'est de dire Allahu Akbar. Et dans le hadith, à chaque fois qu'il passait près d'elle, il disait Allahu Akbar. Celui qui peut la toucher, il la touche. Celui qui peut l'embrasser, il l'embrasse. Quant aux femmes, elles ne s'approchent pas de la pierre noire s'il y a les hommes. Une femme a dit à Aïcha radiallahu anha, j'ai fait le tawaf, à chaque tour j'ai pu toucher la pierre noire ou bien l'embrasser. Elle lui a dit, malheur à toi, tu te mélanges avec les hommes. Elle a pensé faire un bien. Aïcha l'a réprimandé et lui a enseigné ce qu'il convenait de faire. Elle lui a dit, malheur à toi, tu te mélanges aux hommes, tu concurrences les hommes à la pierre noire. Et de là, tu vois l'énorme faute que font les contemporains lorsqu'ils vont se battre au pied de la Kaaba, proche de la pierre noire. Il se peut que la femme fasse tomber son hijab, il se peut que ses cheveux apparaissent, wa hakada, tout cela auprès de la Kaaba, espérant une récompense. Mais pour avoir la récompense, il faut suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Par exemple, le prophète sallam a dit à Omar, tu es un homme fort, lorsqu'il y a du monde, fais le tawaf derrière. Elle n'y vient pas auprès de la pierre noire pour ne pas nuire aux gens. Donc si tu fais le tawaf et tu nuis aux gens, ce n'est pas des hasanats, ça c'est des péchés. Ça ne sont pas des hasanats, mais plutôt des péchés. Quant à celui qui ne peut la toucher, il fait ce simple geste à chaque fois qu'il passe à son niveau. Il tend la main, la paume en direction de la Kaaba et il dit tout simplement « Allahu Akbar ». C'est ce que disait le prophète sallam. Quant à Abdullah ibn Omar, il ajoutait avant cela « At-tasmiya », il disait « Bismillah ». Donc « Bismillah, Allahu Akbar ». Celui qui dit « Allahu Akbar » directement aura atteint la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Quant à celui qui aura ajouté avant « Bismillah », il n'aura pas fait de mal vu qu'il a été précédé par Abdullah ibn Omar. « Wa khayrul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam » tout en précisant que la meilleure des voix est la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a accéléré le pas et fait des petits pas pour les trois premiers tours. Ensuite, il a continué pour les quatre autres tours la marche normale. Lorsqu'il a fini, quand il passait au coin yéménite, c'est-à-dire le troisième, l'avant-dernier, il disait « Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabanna » Ô notre Seigneur, on cherche, ou plutôt accorde-nous dans ce bas monde du bien et dans l'au-delà du bien et prémunis-nous du châtiment de l'enfer. Donc voici les deux paroles légiférées particulièrement à un moment précis dans le tawaf. Tout le reste, tu es libre de dire ou de ne pas dire ce que tu veux, de l'essayer. C'est-à-dire, tu peux lire du Qur'an, tu peux faire l'istighfar, tu peux faire le dua, wa hakada. Al-Muhim, ce qui importe, c'est que tu t'occupes dans le bien. Et c'est permis de parler durant le tawaf. Arrivé au septième tour, certains savants disent ce qui est apparent, c'est qu'il a dit aussi Allahu Akbar. Puis il s'est dirigé vers Maqam Ibrahim pour faire deux raka'a. Pourquoi? De par la généralité du hadith, à chaque fois qu'il passait par la pierre noire, il disait Allahu Akbar. D'autres disent non. À ce moment-là, tu pars directement. Donc il est parti et en chemin, il a dit Wattakhidhu min Maqam Ibrahim musalla. Il prenait la station d'Ibrahim comme lieu de prière. Puis il s'est mis en face de Maqam Ibrahim, le Maqam Ibrahim entre lui et la Kaaba, et il a fait deux raka'a. Dans la première, il a récité Al-Fatiha, puis Qul ya ayyuhal kafirun. Dans la deuxième, Al-Fatiha, puis Qul huwallahu ahad. Ensuite, il est reparti à la pierre noire. C'est pour ça que certains savants disent à la septième, au septième tour, il ne dit pas Allahu Akbar, il part directement. Et après avoir fait les deux raka'a, il revenait, et là il saluait à nouveau la pierre noire, puis il s'en allait vers l'eau de Zamzam, s'en allait vers Es-Sa'i, et avant cela il buvait de l'eau de Zamzam. Il a bu de cette eau-là, et il en a versé sur sa tête. Cette eau, c'est une eau bénie, c'est une nourriture. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit ma ou zamzama li mashuriba la, l'eau de zamzam est ce pourquoi elle est bue. C'est-à-dire selon l'intention mise, au moment où tu la bois, Allah t'accorde cela. Si tu la bois avec l'intention de la guérison, Allah te l'accorde. Avec l'intention de la science, Allah te l'accorde. Avec l'intention de la mémorisation, Allah te l'accorde. Avec l'intention de la santé, Allah te l'accorde. Et ainsi de suite. Et il nous dit que c'est une nourriture. Puis il s'est dirigé vers le Mas'a, s'est dirigé vers le Safa et le Marwa. Et en chemin, il a dit Inna Safa wal Marwa ta min sha'airillah, faman hajja al bayta wa i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima, wa man tatawwa'a khayran fa inna Allah shakirun alim. Certes, As-Safa, j'ai oublié un point, c'est qu'il a bu l'eau de Zamzam debout. Certains savants ont dit parce qu'il y avait beaucoup de monde et son comportement ne lui permettait pas de dire aux gens éloignez-vous pour que je puisse boire et me mettre au sol. Et d'autres ont dit c'est une exception, le boire l'eau de Zamzam debout est permis. Boire l'eau de Zamzam debout est permis. Et la plupart des savants disent que de boire debout c'est détestable, d'autres disent que c'est muharram, c'est interdit. Donc, lorsqu'on veut boire, on se met en position assise. On se met en position assise. Car le prophète m'a interdit de boire debout. Puis les savants divergent. Est-ce que c'est une interdiction ferme ou bien détestable? Arrivé au Mas'a, il a dit Abda'u bima bada Allahu bih. Je commence ce par quoi Allah a commencé. C'est-à-dire dans le verset Inna safa. On a commencé par la mention de quoi? De quel mont? De Safa. Donc je commence par ce qu'Allah a mentionné en premier, donc Es-Safa. Il est monté sur Es-Safa. Il s'est dirigé en direction de la Qibla. Donc comme vous l'êtes, vous, vers ma droite. Et il a dit Allahu Akbar trois fois. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahu al-mulku wa lahu al-hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Puis la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Donc Allahu Akbar, Allah est le plus grand à trois reprises. Puis nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah seul sans associé. À lui la louange, la royauté. Il donne la vie et la mort, il est parfaitement omnipotent. Nulle divinité n'est digne d'être adoré seul à lui, yani c'est celui qui a tenu sa promesse, a secouru son serviteur et a mis les coalisés en déroute. Puis il a levé ses mains et il a fait dua très longuement en étant dirigé vers la Kaaba, la Qibla. Puis il a lâché les mains, a baissé les mains. Et il a reprononcé à nouveau Allahu Akbar trois fois jusqu'à la fin. Puis il a relevé les mains une deuxième fois. Puis il a fait dua longuement. Puis il les a baissées. Puis il a refait l'invocation Allahu Akbar jusqu'à la fin. Puis il est parti. Donc ad-dua, il l'a fait que entre deux invocations. Entre la première et la deuxième. Et entre la deuxième et la troisième. Par contre, après le troisième dhikr, il est parti sans lever les mains. C'est ce qui est apparent dans le hadith. Il a marché vers Al-Marwa. Pour être tawaf, il faut Al-Wudu. Selon l'avis de beaucoup de savants, d'autres disent qu'il n'a pas de preuve claire pour dire qu'il faut Al-Wudu pour faire le tawaf. Mais par précaution, il faut le faire dans tous les cas. Celui qui perd Al-Wudu, il sort. Il va faire le wudu, il revient. Et il recommence le tour dans lequel il a perdu le wudu. Il ne recommence pas du début du tawaf. S'il a perdu à 3 tours et demi, il revient, il recommence à combien de tours? Au début du troisième. À la pierre noire, au début du troisième. Par contre, pour As-Sa'i, il n'y a pas besoin de al-wudu. Il n'y a pas besoin de al-wudu. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit à Aïcha, fais tout ce que fait le pèlerin, mais ne fais pas le tawaf. Mais ne fais pas le tawaf. Lama wasala batn al-wadi, lorsqu'il est arrivé en profondeur de la vallée, ce qui correspond au jour d'aujourd'hui entre les deux faisceaux lumineux verts, il a couru rapidement, fortement, jusqu'à ce que ses genoux se soient découverts. Arrivé à un endroit, il a recommencé la marche. Donc, au point profond de la vallée, il a couru, et le reste, il marche. Et il a dit une invocation à ce moment-là, « Rabbi ghfir warham wa anta al-a'azzul akram » Ô mon Seigneur, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, et c'est toi le plus puissant et le plus noble. » Puis il a repris la marche. Arrivé à Al-Marwa, il est monté, il s'est dirigé vers la Qibla, Naam, et a dit la même chose. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahu al-mulk wa lahu al-hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza 'abdahu wa nasara 'abdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Il a levé ses mains et il a fait la même chose faite qu'il a fait sur As-Safa. Puis il est reparti en direction de Al-Marwa. Arrivé dans la vallée profonde, il a couru et a dit la même invocation. Puis il comptait. D'accord? Donc un aller, ça compte 1. Le retour, ça compte 2. L'autre aller, ça compte 3. Et ainsi de suite. C'est pas un aller-retour que tu vas compter 1. C'est un aller seulement qui compte 1 et il y a 7 allers à faire. Tu commences à Safa, forcément tu finis à Al-Marwa. Vu que c'est un nombre impair. Lorsqu'il a fini, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait d'invocation à Al-Marwa. Il n'a pas fait d'invocation à Al-Marwa. Donc tu arrêtes l'invocation arrivée à Al-Marwa. À ce moment-là, il a dit aux gens, toute personne qui n'a pas apporté avec lui de bête à sacrifier, comment s'appelle cette bête-là? Est-ce que c'est l'Udhiya du Eid, c'est le mouton du Eid, ou c'est différent? C'est différent. Comment s'appelle cette bête? Naam. Al-Hadi. Al-Hadi, c'est la bête à sacrifier ou faire sacrifier pour le pèlerin qui est mutamatti, par exemple. Et cette bête-là, on l'a sacrifiée à partir du 10e jour, le jour du Eid. Mais ça n'est pas la bête comme on le fait étant ici quand on ne fait pas le Hajj. Un mouton par famille, ou bien on s'associe à cette famille sur un bœuf ou hakadana, c'est un mouton du pèlerinage, un par pèlerin. Un par pèlerin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à ce moment-là, et vous remarquerez qu'au début, il a laissé chacun choisir le rite. Certains étaient mufrid, d'autres qiran, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les a laissés, mais à ce moment-là, il les a poussés à faire le rite at-tamattu'. Toute personne qui n'a pas apporté sa bête avec lui de son lieu de provenance, il l'a encouragé à faire rentrer ce hajj dans la omra ou à en faire une omra. À en faire une omra. De sortir de l'état d'ihram et d'en faire une omra. Puis de sortir de l'état d'ihram et de ne se remettre en état d'ihram que le 8e jour de Dhul-Hijjah. Comme on le fait de nos jours, pour la plupart. Mais ça a été lourd pour As-Sahaba. Ça a été lourd pour As-Sahaba. Quand est-ce que sont sortis les Sahaba de Al-Madina avec le prophète sallam et quand est-ce qu'ils sont arrivés à Mecca? Donc combien de jours restaient-ils avant le début du Hajj, le 8e jour de Dhul-Hijjah? Qui se souvient? Naam. Je n'ai pas entendu. 5 jours. Donc, 3 jours, on a dit. Quand il est parti, il est parti, yani, dans quel mois? Et il est resté combien de jours de ce mois? Ça, c'est la première question qu'on va faire par étape. Quel est le mois qui précède? Naam. Dhul-Qi'da. Il restait combien de jours quand il est parti de l'Médina? Il restait 6 jours. C'est ce qu'on a dit? 5 jours. J'ai un doute si c'est 5 jours. Je vais revérifier, Inch'Allah. Naam, vous avez raison. Donc dans le hadith d'Aïcha, dans le Bukhari et Muslim, Kharaja min khamsin baqina min dhil-Qi'da. Donc il est sorti le 24 ou le 25 de Dhul-Qi'da. Taïb, il est arrivé quand? À Mecca. 4 jours après le début de Dhul-Hijjah. Donc le voyage a duré taqriban 10 jours. Le voyage a duré à peu près 10 jours, subhanallah al-azim. Et on a dit que certains étaient à pied. Allahu Akbar. Certains étaient à pied, subhanallah. Naam. Et c'était un... Yani, c'était très difficile, il n'y avait pas les moyens qu'on a, nous, l'avion, climatisation et ces choses-là, non. Fa subhanallah, kanu aqwa an-nas, c'était les hommes les plus forts et les plus motivés dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Lorsque le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit aux sahaba, il leur a pas ordonné, il leur a recommandé, il les a poussés à sortir de l'ihram et d'en faire une omra. Ça a été lourd pour les compagnons. Cela a été lourd pour les compagnons. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis, ils veulent que le hajj. S'ils sortent de l'état d'ihram, ça veut dire qu'il y a une coupure. Ensuite, il faut se remettre en état d'ihram. Ça veut dire que les choses interdites en état d'ihram redeviennent halal. Et eux, ils ne veulent pas ça. Eux, ils ont seulement pour objectif d'accomplir le pèlerinage pour Allah Azza wa Jal à la maison sacrée. Ils nous disent que c'est leur seule intention. Ainsi, ils ont dit à Rasulallah, Al-Hillu Mada. Yani, si on suit cela, qu'est-ce qui deviendra halal? Rasulallah leur a dit Al-Hillu Kullu. Tout redevient halal. C'est-à-dire même les femmes. Alors ils ont dit, Ya Rasulallah, nous sommes sortis de l'Médina, nous avons pour but une seule chose. Al-Hajj. Et maintenant qu'il reste entre nous et l'Hajj, 4 jours seulement, tu nous dis de sortir de l'Ihram. Ainsi, on va aller avec nos épouses. Et lorsqu'on va sortir de Mecca pour aller à Mina, nos parties intimes vont goûter du liquide. Vont s'égoutter du liquide. C'est-à-dire, on aura commercé avec les épouses. Et nous, on ne veut pas la donner, on ne veut pas nos femmes. On veut le hajj. Allahu Akbar. On veut le hajj. On ne veut rien d'autre. On ne veut pas sortir de l'ihram. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, Abillahi tu'limouni ayyuhannas. C'est comme si on disait, vous allez m'apprendre la religion d'Allah ou vous les gens? Par Allah, je suis le plus pieux et celui qui adore Allah de la meilleure façon. Et certes, c'est une parole adressée à l'ensemble des gens jusqu'à Yom Al-Qiyamah. C'est pas que pour vous. Toute personne qui viendra après pourra faire l'umra, sortir l'ihram, se remettre en état d'ihram, le 8e jour, faire le hajj, une umra à pas, un hajj à pas. Wa hakadha. Suraqa, qui était encore, lorsqu'ils étaient encore donc à Al-Mas'a, Safa al-Marwa, a dit, ya Rasulallah, est-ce que c'est pour cette année seulement ou bien c'est pour toujours? Enfin, ça m'a dit, c'est pour toujours. Et on fait la Umra, on fait rentrer la Umra dans les mois du Hajj. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, si je n'avais pas autant avancé dans mon affaire, je n'aurais pas pris la monture. Je n'aurais pas pris les bêtes à sacrifier avec moi. Comme ça, j'aurais fait comme vous. Mais si tu as la bête avec toi, tu ne peux pas sortir de l'état d'Ihram. Jusqu'à Al-Mash'ar Haram, jusqu'à ce que tu sacrifies la bête, ou hakam. Donc le jour du Eid, le 10e jour de Dhul Hijj. Il leur a dit que l'Amra est rentré dans le Hajj pour toujours. Ali ibn Abi Talib, comme nous l'avons mentionné, est arrivé d'où? À ce moment-là, il est arrivé du Yémen. Il a vu Fatima sortir de son ihram. Il lui a comme fait quelques remontrances. Et elle lui a dit, mais c'est mon père qui m'a ordonné cela. Dire le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quant au fait que l'ordre vienne seulement du père parmi les papas, c'est pas valable pour le placer dans ce contexte-là, non. Elle est mariée, son époux lui ordonne ou pas. Mais pour l'adoration, ce qui prime, c'est ce que le prophète sallam nous dit, nous ordonne. Donc là, elle lui a montré que c'est permis parce que c'est le prophète alayhi salatu wassalam, qui est son père, qui lui a dit de faire cela. Puis il est parti voir le prophète sallam, il lui a parlé, il lui a expliqué. Et il lui a dit, toi, tu as pris quel rite? Il lui a dit, comme toi. Ali ibn Abi Talib avait des montures, avait des bêtes à sacrifier. Le prophète avait des bêtes à sacrifier. Et le total de ce qu'avait Ali ibn Abi Talib et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'élevait à combien de bêtes? Naam. 100 bêtes, 100 chameaux. Allahu Akbar. Il s'est dépensé énormément de biens dans fi sabilillah. Et on verra que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a sacrifié de sa noble main 63. Et il a délégué le reste à Ali ibn Abi Talib. En plus de ceux du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, Ali en avait. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a quand même associé à ce qu'il a sacrifié lui. Naam. Barakallahu fikum. De cela on tire que suite au sa'i du prophète alayhi salatu wassalam, le meilleur rite c'est devenu at-tamattu', parce qu'au début il a laissé le choix, mais par la suite il leur a dit de sortir de l'ihram, d'en faire une umrah et ensuite de recommencer le hajj le 8e jour de Dhul Hijjah. Donc at-tamattu' c'est le meilleur rite, c'est le meilleur rite. Une des sagesses mentionnées par les savants, si c'est le meilleur rite, pourquoi le prophète sallam, il lui a été décrété qu'il ait les bêtes avec lui? Certains savants ont dit que c'était pour montrer que ça n'est pas abrogé. Les autres rites ne sont pas abrogés parce que le prophète l'a fait. Et si ça avait été abrogé, qu'il ait les bêtes avec lui ou non, il aurait délaissé. Mais c'est pour montrer que tamattu' c'est le mieux à faire. Mais que les autres rites restent quand même valables. Ça c'est une des sagesses de ce décret sage d'Allah tabaraka wa ta'ala al-alim. Le prophète alayhi salam est resté en état d'ihram. Ceux qui n'avaient pas la monture et qui ont accepté l'orientation du prophète alayhi salam se sont remis en état d'ihram de l'endroit dans lequel ils se trouvaient. Donc le 8e jour de Dhul Hijjah, tu te remets en état d'ihram pour te diriger vers Mina. Et l'ihram, tu n'as pas besoin d'aller à un endroit. Si tu es dans ton hôtel, tu te mets en état d'ihram de ton hôtel, du lieu où tu te trouves. Quant aux autres, ils étaient déjà en état d'ihram. Le prophète alayhi salatu wassalam, le matin, est sorti en prononçant la talbiya labbaik Allahumma labbaik. En général, dans chaque déplacement jusqu'à un moment précis, il prononçait toujours la talbiya. Dès qu'il était en mouvement, il passait d'un point A à un point B, d'un point B à un point C, et il prononçait la talbiya. C'est le dhikr qui était le plus courant dans le hajj. Donc le 8e jour, ils sont rendus à Mina le matin. Et au moment du Zahr, avant Zawal, au moment du Zahr, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à ce qu'on fasse l'adhan, a demandé à ce qu'on fasse l'adhan et l'iqam. Il a prié le Zahr de raka'a, mais il n'a pas collé le Zahr avec l'Asr. Puis il a prié le Asr à son heure. Ils ont fait l'adhan et l'iqam. Il a fait l'Asr de raka'a dans son temps. Puis arrivé au Maghrib, l'adhan et l'iqam, il a fait le Maghrib normalement. Puis arrivé à l'heure du Isha, l'adhan et l'iqam, il a fait l'Isha de raka'a. Donc la sunna, le jour de Mina, c'est d'aller à Mina, de prier les quatre salawat à Mina et de raccourcir les prières de quatre unités au nombre de deux. Au nombre de deux, ça c'est la sunna. Ce jour-là, il est très méritoire, il ne convient pas de le délaisser. Mais dans le cas où la personne commence son hajj, le lendemain, c'est valable. Dans le cas où la personne ne commence pas le huitième jour et ne va pas à Mina le huitième jour et ainsi de suite, son hajj est quand même valable, mais elle a perdu un grand bien, un grand mérite. Le matin du neuvième jour, donc du jour 2, déjà le huitième jour, comment est-ce qu'on le surnomme? Yawm at-tarwiyah. At-tarwiyah, ça vient du terme s'abreuver. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau à l'époque. Donc avant d'aller à Mina, on abreuvait beaucoup les bêtes et on prenait les provisions en eau. C'est pour ça qu'on appelait le huitième jour de Dhul-Hijjah Yawm at-tarwiyah. Parce que c'est le jour de l'approvisionnement en eau avant de partir à Mina. Le lendemain, c'est le neuvième jour de Dhul-Hijjah. Un des meilleurs jours chez Allah. C'est Yawm Arafah. C'est Yawm Arafah, le jour de Arafah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et il s'est arrêté à Namira, un endroit qu'on appelle Namira. Au jour d'aujourd'hui, il y a une grosse mosquée à Namira. Et il y a la khutbah de Arafah à Namira. On lui a établi un campement ou bien une tente. Et il y est resté, il faisait des qu'il s'occupait et il n'est pas sorti vers les gens et il n'a pas exhorté les gens à ce moment-là. Donc lorsque tu arrives à Arafah, il n'y a pas de regroupement particulier, il n'y a pas de cours particulier, d'exhortation particulière. Mais les gens s'occupent par ce qu'ils veulent, ils peuvent se reposer, ils peuvent faire du dhikr et ainsi de suite. Plus tard, lorsque le zénith est arrivé, il a demandé sa monture, il est monté sur sa monture, jusqu'à arriver fi batn al-wadi, profondeur de la vallée, et là il a fait une khutbah, une célèbre, magnifique khutbah, la khutbah de Arafah, elle est surnommée la khutbah du jour de Arafah, la khutbah du jour de Arafah. Puis il a ordonné Bilal, prochainement on mentionnera, parce qu'il y a plusieurs khutab, on mentionnera les recommandations et les exhortations du prophète alayhi salatu wassalam dans un cours à part, Inch'Allah. Il a ordonné à Bilal de faire ensuite l'adhan et l'iqama. Il a prié le zohr de raka'a. Puis il lui a ordonné tout de suite après de faire l'iqama et il a prié l'asr de raka'a. Donc, il a prié le zohr et l'asr de raka'a. Il a fait le jam' taqdim à l'heure du zohr. En son temps, au temps du zohr, il a fait le zohr puis l'asr sans prier entre les deux, avec un adhan et deux iqama. Celui qui va à la khutbah de Namira, alhamdulillah, le jour de Arafah, et celui qui n'y va pas, ce qui est apparent, c'est que on n'a pas à chacun faire une khutbah dans sa tente. Non. Si on peut suivre par la radio ou autre moyen, ou se rendre à la khutbah à Namira, le jour de Arafah, alhamdulillah. Dans le cas contraire, les gens sont dans leur tente, ou bien autour de leur tente, s'ils sont à Arafah, où ils veulent. Mais il n'y a pas à particulièrement exhorter les gens, chacun dans son camp. Ou bien dire du dhikr en groupe, chacun dans son camp, comme le font certains soufis. Le jour de Arafah et dans les tentes Amina, ils mettent de la musique, iyadhan billah, et ils dansent, ils disent se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. De cette manière, ils s'égarent et innovent. dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et toute personne qui innove dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle s'égare d'un égarement profond. C'est très très grave. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans le Coran de suivre le prophète alayhi salatu wassalam et de ne pas sortir de sa voie. Et il nous a ordonné de prendre ce qu'il nous a donné, de délaisser ce qu'il nous a proscrit. Et il nous informe que c'est le bel exemple à suivre. Na'am. Donc pourquoi est-ce que, subhanallah, on va aller dans des sectes et on va penser ajouter, améliorer la voie du prophète alayhi salatu wassalam? En ce grand jour de Arafat a été révélé ce grand verset, Yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah Azza wa Jalla a mentionné dans ce verset qu'il a complété cette religion, qu'il a complété, parfait ses bienfaits sur nous et agréé comme religion pour nous l'islam. Donc ce verset montre qu'il n'y a pas d'âge possible à la perfection de l'islam et que toute personne qui viendra après et ajoutera, elle ne fera que diminuer de ce qu'elle pense, de ce qu'elle pensait ajouter, améliorer. Elle en diminue forcément. Voyez-vous ce verre? À supposer qu'il soit plein, si on ajoute de l'eau, est-ce que ça augmente le niveau? Non. Tu ne peux pas compléter une chose qu'il a déjà été. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: Man amila amalan ashamadha man amila amalan ou man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa warad wa man amila amalan laysa alayhi amruna fa warad. Le Bukhari Muslim rapporte ce hadith, la deuxième version est celle de Muslim, selon Aïcha radiallahu anha: celui qui ramène nouveauté dans notre ordre alors qu'elle n'en fait pas partie, cela sera rejeté. C'est-à-dire celui qui ramène des innovations religieuses que le prophète alayhi salatu wassalam nous a pas mentionné, enseigné, ça sera rejeté chez Allah subhanahu wa ta'ala, non accepté. Et l'imam Malik rahmatullahi alayhi disait suite à ce verset: ce qui ne faisait pas partie de la religion hier n'en fera pas partie aujourd'hui. Et celui qui prétend qu'il y a de bonnes innovations en islam aura prétendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, a trahi le message. Pourquoi? Parce qu'Allah dit que la religion elle est complète et lui il vient, il dit: non, moi j'ajoute ça et c'est un bien. Si c'est complet et que toi tu as réussi à rajouter un bien, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas transmis. Donc il a trahi le message. Na'udhu billah. Ce sont des paroles gravissimes qui feraient perdre l'islam de la personne. Donc il faut s'éloigner des innovations et revenir à la sunna, à l'islam originel, et ne jamais ajouter quoi que ce soit à ce qu'a fait, ce que nous a enseigné, ce qu'ont compris et appliqué les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, enseigné par le meilleur des hommes, le meilleur des éducateurs, Rasulun al-Karim alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris sa monture jusqu'à arriver près d'une montagne et là il a fait dua. Donc de après ces deux prières, la dhuhr et l'asr, il s'est rendu à cet endroit, il a fait dua. Il a levé les mains. Et ce jour-là, il n'était pas en état de jeûne. Est-ce que c'est une sunna de jeûner Arafat ou pas? Ou non? Arafat, c'est le meilleur jeûne recommandé de toute l'année. Quelle est la récompense de celui qui jeûne Arafat? Le Prophète sallam nous dit: j'espère en Allah qu'il efface par cela les péchés de l'année passée et ceux de l'année à venir. Ça veut dire combien d'années de péché? 2 années. L'année passée, Dhul Hijjah, c'est quel moment de l'année? C'est quel moment de l'année? Dhul Hijjah, c'est le combienième mois? C'est le dernier mois de l'année, n'est-ce pas? Donc quand il dit ça, il est à la fin de l'année. Quand il dit ça, il efface les péchés de l'année passée, c'est-à-dire cette année-là, 1 an. D'accord, l'année à venir, ça veut dire quoi? Après Dhul Hijjah, on commence un mois, n'est-ce pas, une année? Ben, toute cette année à venir aussi. Donc l'année qui s'écoule, qui va finir sous peu, Inch'Allah, et l'année à venir, Inch'Allah. 2 années, on t'efface tes péchés. C'est le jeûne recommandé le plus important de l'année. Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam était en état de jeûne ce jour-là? Et c'était un vendredi, dans Hajjatul Wada', Yom Arafa, c'était un vendredi. Parce que les Yahoud ont dit à Omar ibn Khattab, il y a un jour, ou bien il y a un verset, chez vous, les musulmans qui a été révélé, s'ils avaient été révélés chez nous, les Yahoud, on l'aurait pris en jour de fête. Il lui a dit lequel? Il lui a dit, Al-Yom Akmeltu Lakum Dinakum. Il lui a dit, je sais quand est-ce qu'il a été révélé sur le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais où était-il? Il lui a été révélé le jour de Arafa, c'est un vendredi. C'était un vendredi, il était à Arafa. Il était à Arafa. Ce sont donc des jours, des grands jours qu'Allah Azza wa Jalla a choisi pour révéler ça sur le prophète alayhi salatu wa salam, ou du moins ce verset. Est-ce que le prophète est en état de jeûne? Est-ce qu'il va y avoir une récompense aussi grande et les sahaba ne vont pas le jeûner? Le prophète non plus? En effet, le prophète était muftir, il n'était pas en état de jeûne. Parce que la sunna du jeûne du jour de Arafa, c'est pour celui qui n'est pas au Hajj. Quant à celui qui est au Hajj, il est occupé par meilleur que cela. Est-ce que c'est compris? La sunna du jeûne de Arafa, c'est pour celui qui n'est pas au Hajj. Quant à celui qui est au Hajj, lui, il est occupé par meilleur que cela. Le prophète alayhi salatu wa salam a donc fait du'a. Le jour de Arafa, c'est un jour de du'a. Il a levé les mains, il était sur sa monture et il n'a cessé de faire du'a. Subhanallah al-Azim. De après le Zahr, en ayant collé l'Asr, il a fait du'a. Vous savez jusque quand? Quand est-ce qu'il a arrêté de du'a? Lorsque le soleil s'est couché. Pour le coucher du soleil, on va dire, il a arrêté de du'a. Allahu Akbar. Yani, qui peut faire du'a du Zahr? C'est à quelle heure le Zahr? On va dire à 14h. Naam. Le Maghreb, on va dire, il est à 22h. Mais dans des pays comme les autres, on va dire par exemple, il a 18h, 19h. Ça fait combien d'heures? 5h par exemple. 5h par exemple, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h. On va dire même 18h. Man minna yaqwa ala hadha. At-talazzuz bil munajat wa bid du'a wa bit talab. Qui parmi nous aurait cette force et cette capacité de se délecter de par la mention d'Allah, de par l'évocation d'Allah, de par les demandes, de par l'avilissement devant le Seigneur des mondes et de lui demander en ce grand jour de regroupement et de Hajj? Pendant toutes ces heures, le Prophète avait les mains levées sur sa monture, na'am, et il tenait même les rênes par moment et il faisait du'a et demandait à Allah Azza wa Jalla. À un moment, le Sahabi nous dit que les rênes sont tombées de sa main et il a donc rattrapé avec sa main et l'autre elle est restée levée. Subhanallah al-Azim. Est-ce que vous imaginez la scène? Ça veut dire même cette seconde là, yani prendre les rênes et remettre ses mains, ça dure combien de temps? Yani 3 secondes, mathalan, par exemple. Ben ces 3 secondes là, le Prophète sallam n'a pas voulu en ce jour de Arafa, en ce jour de du'a, en ce jour de pardon et de itq minan nar, il n'a pas voulu que ces 3 secondes ne soient pas dans cet état là devant son Seigneur. Il a donc gardé une main ainsi et il a rattrapé Mada avec l'autre main. Je ne sais pas si on dit pour la chamelle les rênes. S'il y a un mot particulier, vous me l'enseignez. Barakallahu fikum. Nous sommes donc le jour du vendredi 9 de Dhul Hijjah. Et là, il arrive à la nuit du 10, c'est-à-dire le vendredi après le Maghrib, le 9e jour de Dhu, Al-Hijjah, Yom Arafa. Qu'est-ce qu'il fait? Il se prépare et il ne prie pas le Maghrib, ni l'Isha. Mais il part en direction de Muzdalifa sur sa monture pour y prier une fois là-bas, le Maghrib et l'Isha. Et il dit aux gens de partir à Muzdalifa. Il ne prend pas les péras Arafa. Et il leur dit Sakina, Sakina. Il leur disait doucement, la sérénité, la sérénité. On va Muzdalifa. Arrivé J'ai oublié, il a dit aux sahaba, waqaftuha huna, une fois le soleil couché, il leur a dit, moi je me suis mis ici à Arafa, on est près de la montagne. Wa arafatu kulluha mawqif. Mais en réalité, tout Arafa, c'est un lieu de station pour le jour de Arafa. Donc la sunna, c'est où que tu sois à Arafa, ici, là-bas, au pied de la montagne, ainsi de suite. Tu n'as pas l'obligation de te fatiguer aller jusqu'à la montagne comme le font beaucoup, en pensant que c'est plus méritoire. Français m'a dit tout Arafa, c'est un mawqif. Donc que tu sois ici, que tu sois dans ta tente, que tu sois là-bas, que tu sois auprès, au pied de la montagne, tout cela, c'est la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Puis il est parti à Muzdalifa. Arrive à Muzdalifa. Il a ordonné à ce qu'on fasse l'adhan et l'iqama. Il a pris le maghrib normalement. Puis il a ordonné à ce qu'on fasse l'iqama et il a pris l'isha. Deux raka'a. Il a pris le isha de raka'a. Il n'a pas prié entre les deux. Puis dans les textes, on nous dit qu'il s'est allongé ou il s'est reposé ou bien Adam. Une question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'il a pris le witr? On n'a pas de texte précis pour cette situation-là, mais al-umumat, la généralité des textes nous montre qu'il priait toujours le witr et ne le laissait pas ni même en voyage. Donc il est à penser très fortement qu'il a prié le witr. Que faire durant cette nuit? Prophète s'est reposé. Donc on se repose. Celui qui veut prier, il peut prier. Ça n'est pas un mal, mais le lendemain est une grosse journée. Le lendemain matin, il se levait, il a ordonné qu'on fasse l'adhan, il a prié sunnatul fajr, puis l'iqama, il a prié le fajr à l'heure. Puis il est monté sur sa monture, il s'est mis plus profond dans la vallée, ou dans l'endroit, à Muzdalifa, et il s'est occupé de faire du dhikr. J'ai oublié, à Arafa, il n'a pas fait que les du'as, mais il mêlait aussi le takbir, subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, et ainsi de suite. Faisait des du'as, également des invocations. Et même la talbiya. Quand il partait d'un endroit à un autre, comme on l'a dit, il faisait talbiya. À Muzdalifa, il a fait ce qu'on a entendu, puis il a dormi, puis le lendemain matin, il a fait le fajr. Puis il s'est mis à un endroit, sur sa monture, et il a fait du'a. Ou plutôt, il s'est occupé de faire du dhikr, on va dire. Jusqu'à quand? Yani, il a fait du'a, il a fait du dhikr. Mada, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, et autres. Le jour de Arafah, la plus grande invocation est de dire, et c'est l'invocation des prophètes, tous les prophètes ont dit cela, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ou bien yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ça, c'est la formulation à prononcer beaucoup le jour de Arafah. Le jour de Arafah, Allah Azza wa Jal, c'est le jour où il sauve le plus de gens de l'enfer, comme c'est vu dans le hadith. Le jour de Arafah, Allah Azza wa Jal se rapproche, Yadnu. Et il dit aux anges, mes serviteurs sont venus de toute contrée, les cheveux en poussière, ébouriffés. Mada yuridu ha'oula. Que veut ces gens-là? Et subhanallah, Allah Azza wa Jal leur pardonne. Et dans des textes, on nous mentionne que si leur péché avait été équivalent, l'équivalent du nombre de gouttes de pluie, du nombre des graines de sable et des pierres sur le sol, Allah Azza wa Jalla aurait pardonné le tout. Allahu Akbar. Yani adad la yuhsa, la yutasawwar, la yuhsihi illallah. Un nombre, on n'arrive pas à l'imaginer. Seul Allah Azza wa Jalla peut le connaître. Le nombre, lorsqu'il pleut, combien il y a de gouttes? Combien il y a de grains? Combien il y a de pierres? On nous dit, tout cela en péché, ce jour-là, ils sont venus dans cet état, Allah Azza wa Jalla leur pardonne. Al-Hasan al-Basri, rahimallahu ta'ala, j'ai oublié avec quel autre parmi les plus prédécesseurs, a vu Sufyan al-Thawri ou un autre en train de pleurer. Il y en a deux, entre deux chez les anciens, j'ai oublié les noms, Sufyan al-Thawri probablement pleurait. Alors, il lui dit, qui est le pire des gens en ce jour? Il lui répond, celui qui pense qu'Allah ne va pas pardonner à ces gens-là aujourd'hui. Allahu Akbar. Yani le jour de Arafat, alors que les gens sont venus de leur pays, qu'ils ont dépensé, se sont fatigués, et ils ont enduré, se sont séparés de leurs proches, de leur pays. Et ils sont ce jour-là, ils invoquent du Dhuhr, après l'Asr jusqu'au Maghrib. Et ils pleurent devant Allah, Azza wa Jalla, ils le supplient, ils se repentent. Ils regrettent, arrêtent, se réforment. Le pire, c'est celui qui pense qu'Allah Azza wa Jalla ne va pas accepter ces gens-là. Il ne va pas leur pardonner leur péché. Allahu Akbar. Subhanallah. Par la suite, le prophète, alayhi salatu wa salam, après avoir invoqué Allah Azza wa Jalla, lorsque le soleil a bien jauni, sans se lever, il leur a dit, وَقَفْتُهَا هُنَا وَمُزْدَلِفَا كُلُّهَا مَوْقِفَ. Je suis resté à cet endroit-là, Muzdalifa, mais en réalité, tout Muzdalifa est un lieu de séjour. Ainsi, quel que soit l'endroit où tu te mets à Muzdalifa, c'est valable. C'est valable. Il a permis, durant cette nuit, aux faibles de partir avant le Fajr. Avant le Fajr. Donc, dans la nuit, certains savants disent après la moitié, d'autres ont dit lorsque la lune disparaît. Les faibles ont le droit de partir et ceux qui les accompagnent aussi. Ils ont le droit de partir en avance. C'est une facilité qu'Allah Azza wa Jal a accordée. Mais le faible qui part, il ne doit pas lapider la grande stèle dans la nuit. Parce qu'il y a un temps qui est légiféré. Ce jour-là, il y a quatre actions à faire. Lapider la stèle, il y a trois stèles. Al-Sughra, la plus proche de Mina. Ensuite, Al-Wusta, la médiane. Ensuite, Al-Kubra, qu'on appelle Jamratu Al-Aqaba. Ce jour-là, c'est la seule sur laquelle on doit jeter les stèles. C'est la seule sur laquelle on doit jeter les stèles. Le terme, je disais lapider, mais en réalité c'est rami. C'est pas rajm. Rajm, c'est lapider. Rami, c'est jeter. Donc c'est plus en adéquation avec le texte religieux de dire jeter les stèles. Naam. En chemin, lorsqu'il est parti de Muzdalifa, il portait en croupe derrière lui Al-Fadl. Qui est Al-Fadl? C'est le fils de qui? Donc le frère de qui? Donc qui pour le prophète alayhi salatu wassalam? Naam. C'est le frère de? C'est le frère de Abdullah ibn Abbas. Donc le fils de Al-Abbas, qui est l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam. Donc Al-Fadl, c'est le cousin du prophète alayhi salatu wassalam. C'est le frère de Abdullah. On voit ici la modestie du prophète alayhi salatu wassalam, parce que dans un hadith on voit qu'il a porté Usama, dans un autre hadith on voit qu'il portait le Fadl. Et des femmes sont passées par là, et le Fadl étant leur direction, et son regard étant leur direction, puis il lui a poussé la tête, il lui a détourné le regard, et il lui a dit Sarif Basarak, ou une parole semblable, détourne le regard. Et il lui a ordonné en chemin de lui ramasser 7 petites pierres. Ni des petites pierres de la taille d'un pois chiche. Et il leur a dit, avec des pierres semblables, jetez-les sur la stèle. Donc ici, la sunna, c'est pas à pas. Tu apprends à faire le hajj comme si tu marchais derrière le prophète, alayhi salatu wassalam. Est-ce que le prophète a ramassé les pierres à Arafat? Non. Est-ce qu'il a lavé les pierres? Non. Non, pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Mais plutôt en partant de Muzdalifa. En sortant de Muzdalifa, il lui a dit ramassez-moi cette pierre. Ils ont pris des petites pierres. Le prophète alayhi salatu wassalam a jeté ces petites pierres. Et à chaque pierre, il disait Allahu Akbar. À chaque pierre, il disait Allahu Akbar. Et il a informé de cette énorme nouvelle en disant, pour chaque pierre jetée, on t'efface un grand péché qui en général cause la perte du serviteur. En arabe, ce qu'on appelle el-mubiqa. El-mubiqa. On t'efface un parmi le mubiqat. El-mubiqat, les savants ont dit, el-muhlikat, celle qui anéantit en général le serviteur lorsqu'il tombe dedans. Subhanallah. Dans un hadith, ijtanibou sab' al-mubiqat, éloignez-vous des sept péchés destructeurs. Donc, subhanallah, le premier jour, le dixième jour de Dhul Hijjah, tu en jettes sept. Ensuite, ayyamu tashriq, le onzième, le douzième et le treizième, si tu restes, tu vas jeter sur les trois stèles sept pierres. Ça fait combien? Ça fait 21. Après en avoir déjà jeté 7. Et ensuite tu en rejetteras 21 le lendemain. Et ensuite le surlendemain 21. Ça fait combien en tout? 3 fois 21 ça fait 63. C'est ça? Plus les 7 ça fait 70. Non? Plus les 7 ça fait 70. Aïna akhouna Nabil. Où est notre frère Nabil? C'est lui ma calculatrice. Peut-être qu'il a un empêchement. Fawa Haris. Ala hudhuri d'durus. Jazallah khair. Probablement qu'il a un empêchement. Il est motivé pour assister au cours, qu'Allah le récompense. Et Inch'Allah ta'ala, il vient au Hajj. Je dis ça parce qu'il est absent. Il vient au Hajj avec nous cette année. Et Allahu Akbar, l'année passée, il a donné son passeport, il a donné son vaccin, il a refusé des vacances pour venir au Hajj. Mais ça n'avait pas été décrété. Non, mais on espère cette année que ce soit décrété pour nous tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeté cette pierre, les compagnons ont fait pareil. Parmi les actions à faire ce jour-là, il y a le sacrifice des bêtes. Ce jour-là, c'est le dixième jour de Dhul Hijjah, c'est le jour du Eid, on le surnomme comment également? Le fait qu'on sacrifie les bêtes. Hein? Yom al-Nahr. Et al-Nahr, c'est l'appellation qui est donnée lorsque tu sacrifies le chameau, la chamelle. Comment est-ce que ça se passe? Vous savez comment est-ce qu'on sacrifie le mouton? On le met sur le côté. On dit Bismillah, Allahu Akbar. On lui tranche le cou, bien les veines jugulaires ou la horte ou la... Je ne sais pas comment est-ce qu'ils disent. À la kulli hal, on lui ôte la viande avec un objet tranchant suite à l'effusion de sang. C'est ça le dhabh. Quand on dit un nahr, ça veut dire qu'on met la chamelle debout, on lui attache une patte, et au bas du cou, on va dire la gorge pour l'humain, on va lui rentrer l'objet, tranchant la dague ou appelez ça comme vous voulez, on lui rentre et on l'enlève. Ça va faire jaillir son sang et la bête décède. Du fait qu'on lui a attaché une patte, que va-t-il se produire? Hein? Elle va tomber de ce côté. Elle va tomber de ce côté. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا, lorsqu'elle va tomber sur le côté. Ça représente cette scène-là. Ça représente cette scène-là. Du fait qu'on lui attache une patte, qu'on la sacrifie, donc elle tombe. De là ont tiré les savants le sens du mot wajib. C'est saqit al-lazim. C'est la chose qui tombe et qui reste en place. Naam. Le prophète alayhi salat wa salam a donc fait un nahr. Fasalli li rabbika wanhar. Un nahr, c'est une ibada azima. C'est une des plus grandes adorations aimées chez Allah Azza wa Jal. La prière, c'est la meilleure adoration faite avec les membres. Et un nahr, c'est la meilleure adoration faite avec l'argent. Avec le Hajj. Et le Nahr là a lieu dans le Hajj. Donc c'est l'excellence de la ibada du Nahr. Les adorations pécuniaires, les meilleures c'est le Hajj avec le Nahr. Et là, le Nahr est fait dans le Hajj. Donc c'est l'excellence dans l'excellence. Le prophète alayhi salatu wassalam, Nahara, combien? 63 bêtes. 63 bêtes. Il a donné le reste à Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib en avait à lui, le prophète lui a ajouté, il a sacrifié le reste. Ici, il a le mérite de Ali ibn Abi Talib. Au minimum, il faut en sacrifier un. Sauf exception. Celui qui fait مثلاً, qui est mufrid, celui qui est à Mecca, il va et fait que son hajj, مثلاً, n'a pas de bête à sacrifier. Par la suite, le prophète alayhi salatu wassalam s'est rasé la tête. Il s'est rasé la tête. Puis, il s'est lavé. Aïcha l'a parfumé et il a remis ses vêtements. Ça prouve quoi le fait qu'il ait remis ses vêtements? Qu'il ait pu être touché par le parfum. Ça veut dire qu'il est sorti de l'ihram partiellement. Il est sorti de l'ihram. Il est sorti de l'ihram pour pouvoir faire cela. Ensuite, ça fait trois actions. Jeter les pierres sur Jamaratul Aqaba, sacrifier et se raser la tête. Donc après ça, tu peux te remettre et tu peux sortir de l'Ihram. Puis, il est parti à la Kaaba. Celui qui est mutamatti' comme la plupart, il va faire le tawaf. Parce que le premier tawaf, c'était son tawaf de quoi? Son premier tawaf, c'était son tawaf de la Umrah. Dans le cas contraire, ça aurait été tawaf al-Qudum, tawaf d'arrivée. Mais là, c'est quel tawaf? C'est tawaf al-Ifada, c'est tawaf al-Hajj. C'est tawaf du Hajj là. Donc il fait encore un tawaf. Puis il fait as-sa'i. Puis il retourne dormir à Mina. Des gens, donc l'ordre que j'ai mentionné, c'est la sunna, c'est le mieux à faire. Des gens sont venus à Mina. Arrivé à Mina, le prophète s'est mis et s'est exposé aux gens. Et les gens sont venus le questionner. Donc il convient à celui qui a de la science de donner du temps à ce moment-là aux gens parce qu'ils en ont besoin. Pour les orienter, pour répondre à leurs questions, pour les motiver, pour les encourager et autres. Pour les corriger. Un est venu et lui a dit, « Ya Rasulallah, j'ai pas fait attention, j'ai sacrifié avant de jeter les pierres sur la stèle. » Il a dit, « Fais, il n'y a pas de mal. » L'autre a dit, « Je me suis rasé la tête avant de faire telle chose. » Il lui a dit, « Fais, il n'y a pas de mal. » Chaque personne qui lui disait, « J'ai avancé cela, j'ai retardé cela », il disait, « Il n'y a pas de mal. » Ainsi, tu comprends que tu peux faire l'ordre que tu veux. Mais que la sunna est le mieux à faire, c'est cet ordre qu'on a mentionné. C'est-à-dire, jeter les pierres sur la grande stèle. Mais tu ne peux pas jeter avant une heure précise. Deuxièmement, sacrifier les bêtes. Troisièmement, se raser la tête ou diminuer. Et quatrièmement, faire le tawaf. Quatrièmement, faire le tawaf. Certains pourraient dire, mais pourquoi il ne refait pas telle chose? Pourquoi il ne refait pas ça? Et pourquoi? En fait, il y a différents types de rites. Il y a un rite qui s'appelle Ifrad, il y a un rite qui s'appelle Al-Qiran, il y a un rite qui s'appelle Al-Tamattu'. Donc, Tamattu' retient que tu vas faire le tawaf, c'est le tawaf du Hajj, Al-Ifad. Et il y a Al-Sa'i du Hajj que tu vas faire. Retiens cela. Na'am, et lorsque tu diras Fiqh Al-Hajj, tu comprendras ces différences. Nous avions dit que dans ce pèlerinage, il y avait beaucoup de recommandations et de transmissions qu'on le surnomme Hajjatul Bala. Parmi les formulations qu'on ne peut pas passer sans mentionner, il y a que le prophète a dit Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha ala kullu shay'in min amri al-jahiliyyati tahta qadamay. Mawdu' ودماء الجاهلية موضوع. وسلم a dit, certes, votre sang, vos biens sont sacrés comme ce jour-là l'est. en ce mois-ci, dans ce pays-là. C'est-à-dire, c'est sacré. Et toutes les choses de la période anté-islamique sont posées sous mon pied. Et toutes les histoires de sang et de vengeance, pareillement. C'est-à-dire les choses qu'il y a eu dans la Jahiliyyah, tu n'as plus le droit de venir chercher le sang d'un tel. C'est effacé, c'est khalas, on passe à autre chose. Il a aussi mis fin à Riba et ce qui devait de l'argent, de l'usure. Et il a commencé par ce qu'on devait à son oncle Al-Abbas, il a commencé par ses proches. Et ça, c'est un parfait exemple dans l'enseignement. C'est que tu ordonnes une chose et que tu es le premier à la faire. Et il a interdit ça sur ses propres proches, comme son oncle Al-Abbas, radiallahu anhu. Il a fait beaucoup de recommandations pour, en faveur des femmes également. Il a dit Fattakullaha fin nisa, craignez Allah envers les femmes. Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Car certes, vous avez pris ces femmes bi amanillah. Je ne sais pas comment traduire wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Et vous avez rendu licite leur partie intime par la parole d'Allah. Yani, suite à ce mariage, cette femme qui t'était interdite, elle te devient licite. Suite au mariage. Donc l'homme doit craindre Allah Azza wa Jalla envers cette femme. Walakum alayhinna alla yu'tina furushakun ou furushakum ahadan takrahuna. Puis il a cité certains droits de l'époux sur l'épouse. C'est qu'elles n'ont pas le droit de faire s'asseoir dans vos demeures ceux que vous détestez. Elle n'a pas le droit, la femme, de faire entrer des gens que le mari ne permet pas. Qui que ce soit. Puis le Prophète a mentionné des droits de l'épouse sur l'homme. Il a dit Walahunna alaykum, et elles ont comme droit sur vous rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Leur subsistance, c'est-à-dire vous devez dépenser pour elles, nourriture, logement et ainsi de suite. Vous devez les vêtir selon le convenable. C'est-à-dire, il n'y a pas un prix précis. Selon l'endroit où tu te trouves, il est commun de dépenser telle somme. Alors tu suis ce qui est commun dans l'endroit dans lequel tu te trouves. Si la personne, par exemple, c'est commun qu'elle dépense, que les dépenses de l'époux s'élèvent, par exemple, à 200 euros par mois, alors elle dépense cela. Si c'est commun que dans tel endroit c'est 100 euros, alors 100 euros. Si c'est commun que dans tel endroit c'est 300 euros, alors 300 euros. Selon ce qui est convenable. Et c'est ainsi pour toute chose qui n'a pas été spécifiée par un chiffre précis dans le din en général. Et le prophète alayhi salatu wassalam leur a fait des recommandations sur le fait de s'accrocher à la sunna et sur l'avertissement devant la bid'a. Il leur a dit sallallahu alayhi wa sallam وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَالًا تَضِلُّ بَعْدَهِ إِنْ اِعْتَصَنْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَاذَا أَوْ فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِإِصْبِعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ أَنْ يَصْنَعُ هَكَذَا اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاث مَرَّاتٍ. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit « J'ai laissé auprès de vous, après moi, ce avec quoi vous ne vous égarerez pas si vous vous y cramponnez, le livre d'Allah. Et assurément, vous serez questionné à mon sujet. Qu'allez donc vous répondre ?» Et ils ont répondu « Nous témoignerons que tu as transmis que tu as été probre ou bien que tu as honoré le dépôt et que tu as été un parfait conseiller et tu t'es acquitté de nos droits, que tu as fait ce qui était bon pour nous, envers nous. » Puis il a levé son doigt vers le ciel, c'est-à-dire vers Allah subhanahu wa ta'ala. Yankutuha, c'est-à-dire il faisait ce geste-là et il le remettait vers eux. Il les pointait ensuite, il levait son doigt et il les pointait. Et en disant, « Oh Allah, sois témoin !» Oh Allah, sois témoin, à trois reprises. Puis, il a ordonné à ce qu'on fasse l'adhan et il a prié le zahar. Il a prié le Zahr. Puis, il a ordonné à ce qu'on fasse l'adhan, il a fait le Asr. Il n'a pas prié entre les deux. Il est monté sur sa monture. Il s'est rendu au Mawqif. Il a fait du'a jusqu'au Maghrib. Là, j'ai repris le hadith. C'est le jour de Arafah. Il a mis Oussama. Après le Maghrib derrière lui. Il s'est rendu à Muzdalifa jusqu'à ce qu'on a mentionné au matin. Après avoir sacrifié les bêtes, il a ordonné à ce qu'on fasse cuire une partie de cela. Et ils ont mangé de cette viande et ils ont bu de sa soupe. Et les gens ont déferlé vers Al-Kaaba. Voici le hadith. Prophète Salem est rentré à Mina. Les gens sont venus, l'ont questionné, leur a dit qu'il n'y avait pas de mal à commencer par ceci, à finir par cela. Celui qui fait la plupart des actions à faire en ce jour-là, il peut sortir de l'ihram. Il peut sortir de l'ihram. Puis il lui reste encore des choses. C'est quoi? C'est le mabit biminan. Il doit dormir à Mina. Il ne doit pas dépasser la moitié de la nuit sans être à Mina. Donc il a le droit de partir à Mecca, il a le droit de partir à son hôtel ou à Hakada. Mais le mieux, c'est de rester à Mina. Et de s'occuper par le dhikr, na'am, de s'occuper par les invocations et autres. Chaque jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le zénith, pas avant, on va dire après le dhuhr si vous voulez, il partait jeter les pierres sur les trois stèles. En commençant par la petite, puis la médiane, puis la grande. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se mettait en face, il jetait les sept pierres en disant Allahu Akbar. Puis, il se mettait sur le côté en se dirigeant vers la Qibla. C'est comme je suis moi. La stèle, elle est comme cela. Et la Qibla, elle est pareillement. Donc, il se mettait sur le côté. Et il levait les mains et il faisait dua. Puis, il se rendait à la médiane. Il jetait également cette pierre. En disant Allahu Akbar pareillement. Et après cela, il faisait dua. Puis il lapidait. Puis il jetait les pierres sur la troisième stèle. En disant Allahu Akbar pour chaque pierre jetée. Est-ce qu'après la troisième, il faisait dua ou pas? J'ai oublié. Qu'est-ce qui me rappelle cela? Le souvenir que j'ai, c'est que pendant les deux jours, il faisait dua, même après la troisième, mais que le troisième jour, après la troisième, il ne faisait plus de dua. Je revérifierai, Inch'Allah. Man lahu ilm. Qu'est-ce qu'il y a cette science où se souvient? Vous tous, vous n'avez pas fait le hajj? Hein? Tayyib, on revérifiera, Inch'Allah. Puis il rentrait à Mina. Arrivé à l'avant-dernier jour, on a informé les gens qu'ils avaient la permission de partir, de finir leur hajj. Et on a informé que ces jours-là sont des jours où on boit, on mange et on évoque Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que les jours, les ayyam al-tashriq, le 11, le 12 et le 13, on ne jeûne pas dans ces jours-là. Dans ces jours-là. C'est le sens du hadith. Puis pour le pèlerin, il y a des jugements particuliers. Le prophète alayhi salatu wassalam a donc permis aux gens de partir avant une certaine heure et de sortir de Mina. De finir le hajj si vous voulez. Et celui qui veut compléter, il reste encore le 13e jour. Puis, là, une fois, yani le matin passé, l'après-midi venu, il sort. Non, il sort du campement. Lorsque tu finis ça, il te reste qu'une action à faire. Si tu as tout fait, le 10e, ou bien le 11e, ou le 12e, ou le 13e, alors il te reste une chose à faire. C'est quoi? C'est tawaf ou wada'. Le tawaf d'adieu. Cela se fait une fois que tu as fini toutes tes activités et que tu t'apprêtes à quitter la Mecque. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: faites en sorte que votre dernière action soit le tawaf. Donc on appelle ça tawaf ou al-wada', le tawaf d'adieu. Quant à celui qui n'avait pas encore fait le tawaf, ou quant à la femme qui retrouve sa pureté à ce moment-là, donc elle n'a pas pu faire le tawaf du hajj, ces gens-là, ils vont faire un seul tawaf qui vaudra pour l'ensemble. C'est-à-dire pour le tawaf du hajj et le tawaf d'adieu. Ensuite, la personne part. Ensuite, la personne part. C'est ainsi qu'a effectué, qu'a accompli son hajj le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la semaine prochaine, inshallah, on se concentrera sur de nombreuses recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le pèlerinage. Et on mentionnera la dernière sariya envoyée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celle de qui? Son bien-aimé, fils de son bien-aimé, Usama ibn Zayd radiallahu anhu. Usama ibn Zayd. Certains parmi les sahaba l'ont trouvé trop petit pour cette grande responsabilité. Dans une armée où il y avait qui avec lui? Omar ibn Khattab, qui est meilleur que lui. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: si vous parlez sur sa capacité à être votre amir, assurément vous l'avez déjà fait pour celui qui était avant lui ou bien meilleur que lui, c'est-à-dire son père Zayd. Prophète l'a mis dans quelle sariya qu'on appelle aussi Razwa, dans laquelle il est décédé radiallahu anhu. Razwa tu mu'ta. Naam. Il avait quel âge? Quel âge avait-il? Allahu Akbar. La hawla wa quwwata illa billah. Celui qui est né en 1983, il a quel âge? Il a 36 ans cette année. C'est ça? Tayyib. Donc il avait quel âge? La moitié de cet âge-là. Il avait quel âge? Il avait 18 ans. Et c'était un homme, un général, mis en place par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un homme, pas par son origine. Certains pensent que c'est des hommes, ils disent: moi je suis un kaza. Il dit son origine. Il dit: moi je suis un, moi je suis un. Et il pense, du fait qu'il soit, on est décrété qu'il soit affilié à tel pays, ben c'est un homme pour ça. Ou lui, par son nom de famille, pense que c'est un homme et qu'il est viril. Ou par sa couleur, ou par sa richesse, ou par son travail et sa qualité sociale, ou parce que c'est le fils d'un tel, ou le père d'un tel, ou subhanallah. Min al-mu'minin arijal. Allah Azza wa Jalla dit: parmi les croyants, il y a des hommes. Ces hommes-là, ils ont une description précise dans le Coran, dans la Sunna. Ce sont des hommes qui craignent Allah, qui ont une aqida ferme, qui préservent la salat, qui donnent la zakat, qui peuplent les mosquées d'Allah Azza wa Jalla, qui tiennent leurs engagements. Et ainsi de suite. Bah, ces gens-là, subhanallah, c'était des hommes, radiallahu anhum, 18 ans. 18 ans. Prends un homme de 18 ans aujourd'hui. Naam. Ça veut dire ceux qui sont au lycée. Hein? Ceux qui sont au lycée. Wallahi l'azim, comme a dit un grand savant. Parmi les sahaba qui ont ouvert la Perse, qui ont pris la Perse et Rome, il n'y en avait pas un qui se rasait là-bas. Nous aujourd'hui on dit, wallahi, parmi les sahaba qui ont vaincu les Romains, c'était la plus grande puissance mondiale, Al-Furs wa Rome. Sahaba, les, yani, ils ont, comment on va dire ça, ils ont vaincu, Allah Azza wa Jalla leur a donné le succès sur eux. Ben, il n'y avait personne qui s'habillait comme on voit aujourd'hui. Et personne qui avait des coupes comme on voit aujourd'hui. Naam. Allah musta'an. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sallallahu alayhi wa sallam yurdu ash-shabab ila dini raddan jamila wa yusliha umurana kullaha wa alla yakilana ila anfusina tarfata 'ayn. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله.